music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the John Miles sur RGM, presque 8h39, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 23 avril 1939, naissance de Lee Majors, acteur américain connu pour son rôle du colonel Steve Austin dans la série L'Homme qui valait 3 milliards ou encore son rôle de Colt Sivers dans L'Homme qui tombe à pic. 1941, naissance de Jacqueline Boyer, chanteuse française connue pour le titre Tom Pilibi, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Tom Pilibi a deux châteaux, le premier en Écosse. Tom Pilibi a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi deux grands... Voilà pour Jacqueline Boyer. Allez, on continue les anniversaires. 1944, naissance de Jean-François Stévenin, acteur français, vu dans Les Bidochons, le Bossu, plus récemment dans Pupille, à la télé dans Frères d'Armes, Falco, Commissaire Magellan, réalisateur de Passe-Montagne, Double Monsieur ou encore Mishka. 1947, naissance de Blair Brown, actrice américaine, vue à la télévision dans Smallville, New York, unité spéciale, Fringe dans le rôle de Nina Sharp, Person of Interest depuis 2015 dans Orange in the New Black dans le rôle de Judy King ou encore Limitless. C'est également l'année de naissance de Michel Leeb, humoriste, acteur français, vu au cinéma dans Chacun sa vie ou encore dans la série Fred et son orchestre dans le rôle de Fred Marsac. 1949, naissance de John Miles, chanteur britannique. 1953, naissance de James Russo, acteur américain, vu dans Le Flic de Beverly Hills dans le rôle de Mickey Tandino ou encore Django Unchained dans le rôle de Dickie Speck. 1955, naissance de Judy Davis, actrice australienne, vue dans Harry dans Sous ses états dans le rôle de Lucy ou encore Marie-Antoinette dans le rôle de la comtesse de Noailles. 1960, naissance de Craig Schaeffer, acteur américain, vu au cinéma dans Et au milieu coule une rivière dans le rôle de Norman MacLean, surtout connu pour son rôle de Keith Scott dans la série télé Les Frères Scott, vu également dans les séries Psych Enquêteur Malgré lui, Esprit criminel ou encore Mentaliste. 1963, naissance de Paul Belmondo, fils de l'acteur Jean-Paul Belmondo, qui lui est coureur automobile. 1967, naissance de Melina Kanakaredes, actrice américaine, vue au cinéma dans Percy Jackson, le voleur de foudre et Percy Jackson, la mère des monstres, dans le rôle d'Athéna, la série télé Providence dans le rôle du docteur Sidney Hansen, les experts Manhattan dans le rôle du détective Stella Bonacera ou encore Hawaii 5-0. 1971, naissance d'Andrew Kreisberg, scénariste producteur américain, à qui l'on doit Arrow, Flash, Supergirl ou encore Legend of Tomorrow. 1974, naissance de Virginie Desarnaud, actrice française connue pour son rôle de Virginie Girard dans la série Premier baiser ainsi que dans les suites Les années fac et Les années blues, et apparue toujours avec ce rôle de Virginie Girard, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour, vu également dans Sous le soleil, Les cordiers jugés flics, Navarro, Joséphine Ange gardien ou encore Section de recherche. C'est également l'année de naissance de Barry Watson, acteur américain connu pour son rôle de Matt Camden dans la série télé 7 à la maison, son rôle de Brian Davis dans la série What About Brian, apparu dans la série Gossip Girl et vu dans le film, enfin petite apparition dans le film Ocean's Eleven dans son propre rôle. 1979, naissance de Jimmy King, actrice américaine vue dans FBI, Fausse Blonde Infiltrée, 13 à la douzaine de Sin City. Sin City, j'ai tué pour elle dans le rôle de Goldie alias Wendy. C'est également l'année de naissance de Lauri Ilonen, chanteur finlandais du groupe The Rasmus. 1984, naissance de Jesse Soffer, acteur américain, découvert dans la série As the World Turns dans le rôle de Will Manson, connu pour son rôle de l'inspecteur Jay Halstead dans Chicago Police Department ainsi que dans Chicago Fire et Chicago Med. 1985, naissance de Tayo Cruz, auteur, compositeur, chanteur britannique. C'est également l'année de naissance de Thibaut Fauconnet, patineur de vitesse français, champion d'Europe du 500 mètres en 2007 et du 3000 mètres en 2010. Il a également remporté le titre européen toutes épreuves confondues en 2011. 1990, naissance de Dev Patel, acteur britannique connu pour son rôle de Jamal Malik dans le film Slumdog Millionaire et son rôle danois Karal dans la série télé Skins. 1995, naissance de Gigi Hadid, mannequin américaine. 2018, naissance de Louis de Cambridge, fils du prince William et de Catherine Middleton. En 1616, décédé William Shakespeare, poète et dramaturge anglais à qui l'on doit Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth, Othello, Le Roi Lear, Henri V, Jules César ou encore Le Songe de Nuit d'été. Décédé également Inca Garcilaso de la Vega, écrivain, traducteur, chroniqueur péruvien hispanophone. Et décédé également Miguel de Cervantes, romancier, poète, dramaturge espagnol, célèbre pour son roman L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, publié en 1605 et reconnu comme le premier roman moderne. En 1975, décédé William Hartnell, acteur anglais, connu aujourd'hui comme le premier interprète du personnage du docteur dans la série télé Doctor Who. En 1986, décédé Harold Arlen, compositeur de chansons américain, l'un des compositeurs les plus importants du XXe siècle avec plus de 400 chansons, dont certaines ont fait le tour du monde. La plus célèbre reste Over the Rainbow, extraite de la comédie musicale Le Magicien d'Oz, ayant remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1940. Tout de suite, petit extrait. Voilà pour Over the Rainbow. En 1996, décédée Pamela L. Travers, écrivaine australienne, créatrice du personnage de Mary Poppins. En 2005, décédé Romano Scarpa, dessinateur de bande dessinée chez Disney, l'un des plus célèbres dessinateurs d'histoire de l'univers, d'ailleurs, de Walt Disney. Autant celui de Donald Duck que celui de Mickey Mouse. Allez, on perd pas de temps, on écoute tout de suite The Rasmus avec leur titre In the Shadows. Erasmus sur le 107 FM, 8h49, on fait un point météo. La météo. Alors, ce sera principalement des nuages aujourd'hui avec tout de même un petit peu de soleil, des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés pour cet après-midi. Mercredi, ce sera mitigé avec même quelques orages à prévoir, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 19 et 20 degrés pour mercredi après-midi. Jeudi, journée mitigée, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 16 et 17 degrés l'après-midi. Allez, on file tout de suite vers l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et une actualité sportive consacrée au hockey sur glace, puisque hier, le club spinalien a été sacré champion de Détroit. Ils vont monter en D2. 3 matchs, 3 victoires pour le club spinalien. Et on va donc tout de suite écouter les réactions d'après-match. Alors, une patinoire en feu hein, hier soir. Donc, on va essayer d'entendre tout de même, tout d'abord, Gauthier Valence, le président. C'est une immense joie, une immense fierté ce soir avec ce public d'avoir obtenu la double consécration. C'est incroyable, c'est magnifique. On a vécu une soirée d'enfer. Je vais essayer de tenir, pas craquer maintenant, je craquais dans le vestiaire. Mais on n'y aurait jamais cru qu'on en serait là aujourd'hui, là on est champion. On m'entendait d'eux, c'était l'objectif en début de saison. Merci allez, aux bénévoles, aux supporters, aux partenaires, aux joueurs. C'est formidable, c'est génial. C'était énormissime, il y avait une ambiance ce soir qu'on n'a pas vécu depuis des années. Et là aujourd'hui, voilà c'est la finale, il n'y a qu'à la finale qui peut arriver ça. On va savourer, on va profiter. Et on va construire. L'objectif, c'est pas de monter tout de suite, c'est vraiment maintenant de construire. On est en D2, l'objectif de la saison est fait. On va se fixer de nouveaux objectifs, on est ambitieux. Et on va y aller mollo, on va y aller tranquillement. On va se reposer déjà. Voilà donc pour le président. On écoute tout de suite Guillaume Chassard. Grosse émotion avec notre public, encore nombreux. C'est super de partager ça avec eux. Ils font partie de l'équipe aussi. Ils sont tout le temps là, à domicile. En déplacement, ils sont là aussi, donc on peut toujours compter sur eux. Donc c'est aussi pour eux, cette victoire, elle est aussi pour eux. Voilà pour Chassard, d'ailleurs élu homme de la rencontre hier. Et enfin, on termine avec la réaction de Kevin Benchaban. Kevin, quelle émotion, ça y est, champion. Enfin, bordel, quel week-end de malade. Ouais, c'était intense, vraiment, que d'émotions pendant 3 jours d'affilée. C'est un rêve. Et à la maison, ça fait une demi-heure à peu près que le match est terminé, mais tout le monde est encore là, la patinoire est encore pleine à craquer. C'est hallucinant ce qu'on vit. C'est grave, hallucinant, je pense, on vit qu'une fois. Mais bordel, regardez tout le monde qu'il y a, c'est une ambiance de ouf, avec une famille, les joueurs. Voilà. J'ai pas de mots, je sais pas si je réalise encore ou pas en fait. Et là ça va être la fête ce soir. Heureusement c'est férié. Il y en a qui ont pris des jours de congé, je sais que c'est ton cas. Exactement. Donc voilà, tout le monde va pouvoir bien fêter ça. Profiter, décompresser, ouais. Parce que je pense qu'il y avait quand même un peu de stress, hein, surtout de jouer à la maison ce carré final. On avait peur de décevoir et c'est vrai que c'est un seul chez nous. Même si les matchs étaient accrochés au début. Finalement, après tout s'est bien passé, maintenant place à la fête. Merci. Voilà, la fête hier soir hein, sur la glace de Poissompré où les joueurs ont communié avec les supporters qui sont restés présents dans les tribunes longtemps après la fin de la rencontre et qui ont également salué les autres équipes, hein, Annecy, Toulon ou encore Courbevoie. Allez, on fait un petit récap sur l'actu du week-end. En football, le Paris Saint-Germain a été sacré champion de Ligue 1. Enfin, en Italie, c'est la Juventus qui remporte le championnat. À noter qu'en Ligue 2 ce soir, Nancy reçoit Orléans. Un petit point basket avec la NBA, les playoffs. Cette nuit, l'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposé 107-91 face à Houston. 4 petits points pour le français, 9 rebonds. L'Utah revient à 3-1 dans sa série. À noter que Boston de Yabusele s'est qualifié pour les quarts de finale où ils affronteront l'équipe de Milwaukee. Et à noter que l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier est menée 3-1 dans son 8e de finale. On termine l'actualité avec du tennis, le tournoi de Monte Carlo et la victoire de Fabio Fognini. Et en Fed Cup, la France s'est qualifiée pour la finale en battant 3-2 la Roumanie. C'est Kristina Mladenovic et Caroline Garcia qui étaient associées en double. Une image qu'on n'aurait pas pensé voir il y a quelques mois. Eh bien, les deux Françaises ont apporté le point qualificatif pour la finale à l'équipe de France. Un dimanche absolument phénoménal en Fed Cup. La finale se sera en Australie au mois de novembre prochain. 4 tournois cette semaine et aujourd'hui à Budapest, Herbert affronte Dzumour et à Istanbul, Pauline Parmentier affronte Rodina. Voilà pour l'actu, on marque tout de suite la dernière pause musicale avec Tayo Cruz et son titre Break Your Heart. Now